En Corée du Sud, les victimes de l'esclavage sexuel au service de l'ancienne armée japonaise ont tenu le 21 juillet une conférence de presse au siège parlementaire et exigé de l'Assemblée nationale l'institution de la loi spéciale pour le rétablissement des droits des victimes de l'esclavage sexuel et de la réquisition forcée par l'ancienne armée japonaise.